En Corée, l'édition des livres de l'enseignement supérieur vient de faire paraître des manuels et livres de référence de plus de 260 sortes pour étudiants. En collaboration avec les établissements de recherche scientifique concernés, elle a rendu pratique, universelle et moderne le contenu des manuels et d'autres livres. Ces livres et ouvrages multimédia contribuent efficacement à rehausser le niveau de connaissance des étudiants et travailleurs.